tournée au charbon. Les factures s'accumulent, le rap est bas. Les négros savent qui je suis. Ironside du 9-4 sur mes pieds bas. J'ai dû retourner au charbon. Les factures s'accumulent, le rap est bas. Les négros savent qui je suis. Ironside du 9-4 sur mes pieds bas. On voit le clap, ouais. Faut que je clap, ouais. Avant que je claque, je vais faire mal au pompe pour claquer. Depuis tout petit, la monnaie trop m'échappe. Et en plus, je vois tous ces têtes qui portent de moins en moins de sapés. On voit le clap, ouais. Faut que je clap, ouais. Les impôts braquent 70% de mon cachet. J'ai envie de faire des thunes en faisant mal. Mais la tôle et la morgue, les chétans veulent m'emmener. Moi, ni les garcènes, depuis qu'il n'a pas sel. En France, Val-de-Marne, et je suis smicard à la SACEM. Il est temps de manger, peu par la romagie. Je veux pas par une vie pour que la poisse paye mon loyer. La dalle veut entamer mon côté diabolique. La folie veut engrainer, je suis déjà un peu alcoolique. Je veux pas sortir prolique pour de la monnaie. Je vais investir en Afrique et par Dieu je vais être décoré. J'ai dû retourner au charbon. Les factures s'accumulent, le rap est pas. Les négros savent qui je suis. Tout l'œil des grands péchés sur mes pieds pas. J'ai dû retourner au charbon. Les factures s'accumulent, le rap est pas. Les négros savent qui je suis. Tout l'œil des grands péchés sur mes pieds pas. On est leur marchandise, pour eux on est pire que des blattes. Qu'est-ce qu'il y a? J'm'en bats les couilles, je saute les obstacles. Tant que j'peux m'battre, j'm'adapte à toutes les épreuves, j'suis hâte. Qu'est-ce qu'il y a? Ce soit pour le 3 ou pour le 9-4. Notre son met toujours des claques, notre son met toujours des claques. Pas de calque, ici c'est de l'authentique. J'en place une pour le Sénégal et j'en place une pour l'Afrique. Ils nous embrouillent trop avec leur parti politique. Beaucoup trop d'escrocs, ils ne pensent qu'à faire l'Afrique. Oui, ils ne pensent qu'à faire l'Afrique. On dénonce par la zig. J'ai dû retourner au charbon. Les factures s'accumulent, le rap ne paye pas. Les négros savent qui je suis. L'île vit du 9-4 sur mes pieds bas. J'ai dû retourner au charbon. Les factures s'accumulent, le rap ne paye pas. Les négros savent qui je suis. L'île vit du 9-4 sur mes pieds bas. J'ai pas le profil fit pour bosser dans des grands palaces. Attaché caisse, costard, cravate, BCB, j'ai la grande classe. C'est dans l'envers du décor que je trime et ramasse du cash. J'viens de la banlieue, là où t'as profité. Allez, sylver des tâches, à dégommer des tasses. C'est pas de boss en gunning, mon dirty c'est la classe. D'une tête cramée qui cherche à se fondre dans la masse. Assouvir cette dalle et une putain de soif. Parmi des requins, t'es mal et rapace. Une petite souris qui grimpe, va te chier sur la face. Faut que j'mange, on me jaloux, j'ramasse pas des masses. Tu parles d'une culotte de cheval qui rêve d'une taille de guêpe. Voudrais que démissionne, moi strong face. Que je piétine à faire le sur place. Non, non, non, non, non. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. J'ai dû retourner au charbon. Les factures s'accumulent, le rap est bas. Les négros savent qui je suis. Ironside du 9-4 sur mes pieds bas. J'ai dû retourner au charbon. Les factures s'accumulent, le rap ne paye pas. Les négros savent qui je suis. L'île vit du 9-4 sur mes pieds bas. J'ai dû retourner au charbon. Les factures s'accumulent, le rap est bas. Les négros savent qui je suis. Tout l'œil des grands péchés sur mes pieds bas.